Merry Monster, Merry Merry Monster, Merry Monster, Merry Merry Monster, Merry Monster, Merry Merry Monster, Merry Monster, Merry Merry Monster. Le temps presse, bientôt je me barre dans l'espace. Je laisse l'MC et tous mes followers en extase. Je pète la forme sans avoir pris ni coke ni extra. On vous voit que ça vient gênant comme ça pour qu'à part son extase. Shoot, kick ça la gelée dans mon espace. N'est-ce pas, dans l'FSM toujours là-bas qu'en Vespa. Tu jactes mes caisses, t'empêches la défaite. C'est comme un prêtre dans un sous-sol, bon qu'à faire des messes basses. Merry Monster, on vient vous choquer. À peine arrivé, vous paniquez. L'apparence calmée, complètement toquée. Tous vos plafonds sont jaliqués. Prends pas ma démesure pour de la mégalo. Aujourd'hui tu crées un buzz avec un nom mais allô. Merry Monster Corporation, on gère les bails pour vous c'est die. Autant vous dire que le game est tombé à l'eau. Oui, je suis un monstre, j'en ai pas l'air. Dites au label pas égaré, leur brebis dans la vallée. N'avale pas tout ce qu'on dit fils, c'est plein de vices. La rue, tu me vois, tu ne me vois plus. Plongeons, disparu. Ils nous ont toujours fait saluer. Pour qu'on ne puisse jamais y arriver. Pour vous c'est mal du balai. On nous amour, vous comme everybody. Ils nous ont toujours fait saluer. Pour qu'on ne puisse jamais y arriver. RRB, je n'ai pas changé d'adresse, un peu mis si tu me veux. Brancineur, tu te manges des coups ou tu bicraves, c'est comme tu veux. Malheureusement, tu n'as pas fait les choses, mais maintenant passe aux aveux. Monstre Mara Corporation, coup de feu, fais un vœu. Ramène-moi n'importe qui, frérot, je vais tous les aligner. J'ai été trompé par des boîtes que je comptais comme alliés. Leur le manque de soi, il serait bientôt de les voir s'habiller. Le temps passe, le temps presse, mais la vague en bitch, il faut que je perce. Oui, je vois déjà un stomp for free. Projecteur sur moi, faut que ça brille. J'entends sur moi beaucoup trop de bruit. Oh oui. Tu vises le viso vis-à-vis des gens, le vis et vis. La vas-y, démonte dans le vaisseau, c'est le changement d'horaire fusil. Mon dame faut suite dans la fusée improvisière, cheveux frisés. Fuck le videur physio-physique, easy, usy, cousine, musique, misée. Oui, je suis un monstre, revenu des temps. Je m'ennuie, mais là sincèrement, ça met trop de temps. Je m'en suis rendu compte à force de grincer des dents. Là j'opère dans le vortex, double MC clan. Ils nous ont toujours fait saluer. Pour qu'on ne puisse jamais y arriver. Pour vous êtes mal du balai. On nous a move, everybody. Ils nous ont toujours fait saliver. Pour qu'on ne puisse jamais y arriver.